Envie de vous faire écouter ça, hein. Ça se passe en France, à Paris précisément. Selon les médias, ça s'essouffle, mais dans la vraie vie, ça craque de partout. Reportage du 14 janvier 2020 de Gaylor Van Wimiersch et Kevin Akar. Ça dure un petit 10 minutes avant d'aller dans un petit village qui s'appelle Profondeville, donc c'est une petite ville, on va dire, rencontrer un échevin. Et là, dans le 5e arrondissement, il y a 200, 400 profs qui sont assemblés. Ils viennent de partout dans Paris, du 18e, du 15e, du 13e, du 19e, du 20e arrondissement. Ils sont nombreux, c'est la bonne ambiance, c'est la grosse joie. Et ils vont partir après à la manifestation interprofessionnelle départementale de Paris. Chaque jour, son action, que ce soit dans l'éducation, dans la justice ou chez les cheminots et la RATP. On a tenu à faire un rassemblement éducation pour dénoncer les pressions assez odieuses qu'on subit dans le premier degré, qui sont des vraies atteintes à notre droit de grève et à notre droit de réunion, avec des AG qui sont interdits dans les écoles, etc., des menaces de retrait de salaire pour toutes nos périodes d'intention de grève, ce genre de choses. Aujourd'hui, ça fait 41 jours qu'on est mobilisé à la RATP. On ne pourra pas finir tout seul, c'est pas possible. On a aussi les camarades de la SNCF qui sont mobilisés, quelques autres qui sont mobilisés depuis les 41 jours. 41 jours, c'est long. On ne veut pas s'essouffler. C'est pour ça qu'on a besoin d'être rejoints par nombreux. Le combat des retraites, c'est un choix sociétal aujourd'hui. Et demain, si la retraite, ça passe, derrière, c'est la Sécu. Tout ce qui a été gagné par le CNR en 1945, vous vous souvenez, un pays en ruine. Aujourd'hui, les dividendes du CAC 40, ils n'ont jamais été aussi grands, et on ne peut pas continuer. L'argent, il existe, mais il faut aller le chercher, les copains, il va falloir aller le chercher. Et c'est dès cet après-midi en manifestation, et il faut absolument que tout ce pays se mette en grève générale. Marche funèbre pour jeter, déposer des manuels scolaires, des crayons, du matériel pédagogique qui leur sert. Notamment, il y a des programmes d'évaluation de CE1 qu'ils ont en main, qu'ils vont jeter là, sur l'université, devant la porte symboliquement de l'université de la Sorbonne. Et aujourd'hui, c'est un jour complètement historique puisque 1200 médecins posent leur démission sur le bureau de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pour contester les mesures austéritaires de la ministre, demander des financements pour l'hôpital public. On a donc 650 chefs de service notamment qui sont démissionnaires. On va aller les voir, ils organisent une conférence de presse ici au 5e étage de la faculté de médecine. Et on se trouve avec le professeur Salakas. Vous êtes neurologue ici à la Pitié-Salpêtrière. Pouvez nous expliquer tout d'abord pourquoi 1200 médecins et chefs de service démissionnent aujourd'hui de leur fonction? Parce qu'on a été conduit par la surdité du gouvernement dans son ensemble, d'Agnès Buzyn en particulier, à utiliser une des dernières armes qui nous reste sans faire payer aux patients le prix d'un mouvement, d'une lutte, parce qu'il faut s'agir, faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est une lutte actuellement pour obtenir un correctif budgétaire sur l'hôpital public. Ce qui a été proposé jusqu'à présent n'est pas du tout, mais alors pas du tout à la hauteur des enjeux, hein, puisqu'il y a plusieurs façons de parler des chiffres, mais en clair, il nous faut au moins 600 millions de plus par rapport aux 200 millions octroyés, et ça c'est juste pour être à flot de l'augmentation des charges hospitalières qui augmentent chaque année. C'est des choix budgétaires, hein, c'est clairement des choix budgétaires. L'idée, ça a été pendant des années que, comme d'autres services publics, l'hôpital public était un mammouth qu'il fallait dégraisser. Bon, très bien, on peut être d'accord ou pas sur le fait qu'il faut. Maintenant, il faut aussi voir les choses telles qu'elles sont. La santé, ça coûte cher, ça coûtera de plus en plus cher. Les Français sont d'accord pour que ça coûte de plus en plus cher. La vraie question, c'est d'avoir le courage politique d'assumer ça. Ce qui s'écroule actuellement, le temps qui reste pour empêcher l'écroulement, nous est compté. Et il faut être très clair, si dans les 3 à 6 mois qui viennent, il n'y a pas une embauche massive et une augmentation de salaire, notamment des infirmières, le système va effectivement s'écrouler. Ça fait 10 ans en fait que le Parlement, quand il vote le budget d'hôpital, il le vote en déficit, c'est-à-dire qu'il vote un budget qui est moindre, qui est en dessous de l'augmentation programmée des charges. Donc c'est du déficit, effectivement, c'est moins 8 milliards sur... Enfin, c'est toujours compliqué les chiffres, mais moins 8 milliards, c'est énorme, avec des salaires qui n'ont pas augmenté, et aujourd'hui, des infirmières qui ne viennent plus travailler à l'hôpital, des postes vacants, donc des pertes de chances pour les patients. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait un lien, Olivier, entre ce qui se passe au niveau de la réforme des retraites, la réforme de l'éducation nationale avec la loi Blanquer et la réforme du service public hospitalier? Alors dans tout ça, on a l'impression qu'il y a la même philosophie, d'imaginer que l'hôpital public et les dépenses publiques sont un problème et que apporter des soins dans un système public est problématique. Et moi, depuis que je fais de la médecine, hein, ça commence à faire un peu de temps, on m'explique que l'hôpital coûte trop cher. Voilà. Cette petite musique, je pense que tous les gens qui travaillent dans les services publics en France, ils l'ont entendue. Et que, personnellement, moi je pense que oui, c'est un programme politique. C'est lequel? Le TINA. Bah, c'est le TINA, c'est les RUSNO alternatives et c'est pas possible de dépenser plus. Ça c'est Thatcher, c'est le modèle anglo-saxon. Voilà, et donc aujourd'hui on est quand même à un moment où si le système s'écroule, on sait vers quoi on va. Et on peut regarder, hein, on nous dit, nous on dépense à peu près 14% de notre richesse pour la santé. Les Américains qui ont un système complètement inégalitaire et privé, c'est 17%. Donc c'est possible de dépenser beaucoup plus pour la santé dans un pays riche. C'est juste à savoir comment ça s'organise et où va l'argent. Alors là, on sort de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où 1200 médecins ont déposé leur démission à Agnès Buzyn et on se trouve dans le 10e arrondissement de Paris devant un siège local de la RATP où 300 personnes à peu près sont venues en soutien à Annie Labidi. C'est un chauffeur d'un dépôt du 18e arrondissement de Paris qui passe aujourd'hui en conseil de discipline. Il passe en conseil de discipline, pourquoi? Parce que lors d'un autre conseil de discipline qui fait suite en fait à son signalement de défection mécanique sur le bus, il a refusé de conduire un bus, et bien lors de ce conseil de discipline, il a insulté, il a haussé le ton avec un dirigeant de la RATP et aujourd'hui, il risque jusqu'à un mois de sanction. Donc aujourd'hui, ça craque de partout, éducation, santé, cheminots, transport, énergie, et là, on a vraiment des soutiens massifs qui sont venus de plein d'horizons différents. Donc il y a des cheminots, il y a des étudiants, il y a des retraités. Voilà, on va aller voir ce qui s'y passe. En face de moi, il s'appelle Bernard Dubuisson. C'est pas comme si j'avais affaire à quelqu'un que je connaissais pas du tout, parce qu'il a été... comment on dit ? Micro. Président. Ouvert. Président de Radio Campus Bruxelles. Donc, et combien d'années ? Oh, 4-5 ans, je pense, ouais, au début des années 2000. Et donc, tu habitais Bruxelles, du coup ? Au début, j'habitais Bruxelles, puis j'ai déménagé. Mais voilà, je suis resté très ancré Radio Campus. Je travaillais à Bruxelles à l'époque aussi. Donc, tu vois, c'était un petit peu... Donc, quand même, ça restait dans ma sphère. Voilà. Mais j'habitais déjà à Lustin. J'étais encore président de Radio Campus quand je suis arrivé à Lustin. Tu étais aussi au Conseil supérieur de l'audiovisuel ? Ça, c'est après. J'ai quitté Radio Campus parce qu'il y avait... effectivement, j'ai commencé un boulot comme responsable du paysage radio au CSA, hein, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et à l'époque, toujours maintenant, il y a une incompatibilité entre le fait d'être responsable de la gestion de la radio au CSA et de gérer une radio. Donc ça, c'est pas compatible. Donc j'ai... T'as dû faire un choix. J'ai fait un choix. Combien d'années, là aussi ? 8 ans. Pas mal, ça. Ouais, c'était génial. On a refait le plan de fréquence. Voilà, il y a eu des aventures incroyables dans ce boulot. Et puis après 8 ans, j'ai eu l'impression d'en avoir fait le tour. Et j'ai voulu passer à autre chose. Peut-être me recentrer aussi sur un boulot plus près de chez moi. Moi, j'ai eu deux fois envie beaucoup de fois de rencontrer le Conseil supérieur de l'audiovisuel parce que leur job, c'est quand même intrigant, quoi. Hein. Qu'est-ce que, enfin, soit, c'est parenthèse. Hein. Donc, Bernard Debuisson ici en face de moi, et l'idée de te rencontrer, c'était de se dire, bah, tiens, tu te lances en. Tu es échevin, voilà, échevin dans une commune, donc tu crois encore à cette politique. Partisane, cette politique hiérarchisée, cette politique écolo quand même. C'est pas rien. Hein, tes attributions, c'est urbanisme, aménagement du territoire, mobilité, énergie, relations avec les usagers. Tu es expert en simplification administrative aussi. Et tu as 45 ans, papa de 4 enfants, et plusieurs engagements professionnels et associatifs dans l'audiovisuel et les nouveaux médias, ce qu'on disait là juste avant. Allez, on démarre alors. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter à cette présentation? Ben en fait, j'ai envie de rebondir pour expliquer comment je suis rentré dans tout ça, en fait, dans le fait de maintenant de me retrouver échevin, parce que ça n'a pas du tout été anodin. Je pense que comme beaucoup de monde, le monde politique, ben, j'avais des appréhensions. Pendant très longtemps, j'ai eu une devise qui était ne pas adhérer. Hein, voilà, un peu garder sa liberté, garder son franc-parler, garder son indépendance. C'est aussi, voilà, hein, quand on travaille dans les médias, voilà, on a une parole un peu publique, citoyenne en fait, ben, on a peur de s'afficher au niveau de sympathie pour un parti en particulier. On essaie de garder cette distance, de rester équidistant avec un maximum de forces politiques. Et puis, en fait, il y a un moment où j'en ai eu un petit peu marre de cette posture parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des choses à faire et qu'il y avait des gens à soutenir. Moi, j'ai toujours été écologiste de cœur, de conviction. Et il y a un moment où je me suis vraiment senti mal à l'aise avec le fait de dire mais je garde mes distances avec Écolo parce qu'en fait ouais, c'est mes potes, c'est ceux que j'ai envie de soutenir. Et il y a un moment, je les ai sentis en difficulté. J'ai dit maintenant il faut que je m'affiche, il faut que j'y aille parce que je peux juste pas, enfin je peux pas simplement les soutenir un petit peu un peu de l'extérieur, un petit peu de manière éthérée sans trop le dire. Il y a un moment où il faut s'afficher. Bah, tu es d'accord qu'on peut être dans la société, faire des choses, faire même les remuer, sans pour cela faire partie d'écolo et de toute sa clique, je veux dire ça comme ça. Et moi, j'ai entendu aussi que des fois, c'est plus facile d'être en dehors de toute cette hiérarchie, de toute cette administration aussi énorme pour faire bouger les choses, et que c'est plus efficace quand on est en dehors de ça. J'ai aussi entendu le discours inverse, hein. Tu vois, là, t'es occupé à dire oui, bon, il y a aussi le discours inverse. Ben moi, je pense que j'aime bien pouvoir à un moment aussi changer, évoluer, changer de posture, tu vois, changer de pied un petit peu, sinon on a des courbatures. Et c'est vraiment ça que j'ai senti. Donc moi, pendant effectivement une bonne quinzaine d'années, voire un petit peu plus, 20 ans, j'étais vraiment dans l'associatif. J'étais en dehors des partis et j'essayais de changer quelque part à ma propre petite échelle le monde et la société. Et puis, voilà, j'ai vu quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en politique, dans le sens où c'est vraiment le lieu où s'exerce le pouvoir. Voilà. Et à partir du moment où ben, tu veux créer un rapport de force dans la société, il y a un moment, il y a besoin de pouvoir. Et ce n'est pas un gros mot, le pouvoir. C'est un outil que la démocratie a construit pour gérer la société. Pour gérer la société, notamment pour faire en sorte d'envoyer tout le monde dans le bon sens. Quand tu es tout seul, ou quand tu es dans ton coin, ou dans ta petite assoce, ben, tu peux faire bouger les choses à ton niveau. Tu peux te faire bouger toi et ceux qui sont autour de toi. Mais si tu veux vraiment changer la manière dont le cap d'une société, et peser de manière beaucoup plus significative. Mais en fait, on est un peu obligé de passer par la politique. Et je dirais même aussi, il y a une autre maxime que moi j'aime beaucoup, c'est si tous les dégoûtés s'en vont, il ne reste plus que les dégoûtants. Et on a vraiment un petit peu le sentiment de ça en politique. Moi, sans aucune présomption et sans non plus dire que tout se pourrit, etc., j'avais pas envie nécessairement de laisser le terrain à des gens qui ont fait un sport national d'occuper le pouvoir, quoi. Je trouve que voilà, il y a un moment, le pouvoir doit revenir aux citoyens, et moi, je suis un citoyen, en fait, voilà. Ben oui, mais du coup, la question, c'est pourquoi il y aurait besoin de gens au-dessus et de gens en dessous ? Pourquoi c'est pas le peuple qui gouverne ? Pourquoi il y a besoin de représentants ? Tu crois à ça, quoi ? Tu crois en un chef, et là, ce serait écolo, genre grâce à écolo, le monde va changer. Tu aurais un exemple concret à donner Alors, je crois très sincèrement. Je ne crois pas à cette vision-là que tu viens de décrire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a un chef, voilà, il y a un chef suprême qui donne le ton. Par contre, je pense que la société, je pense qu'on a besoin de démocratie, c'est-à-dire qu'on a besoin qu'à un moment, le pouvoir il soit délégué à des gens qui vont l'exercer pendant une partie de leur temps, pas toute leur vie, une partie de leur temps, et qui vont avoir pendant une période, le pouvoir de décider. Après, moi, je suis très critique. Je suis un grand adepte de David Van Reybrouck, je sais pas si, qui a écrit un magnifique petit bouquin que je conseille vraiment à tout le monde, qui s'appelle « Contre les élections ». David Van Reybrouck est un grand démocrate, mais il ne croit pas dans la démocratie élective. Et d'ailleurs, il démontre que, c'est un historien, dans la Grèce antique, à Athènes, il y avait une partie des représentants du peuple, ils étaient tirés au sort. Et pour une certaine durée, voilà, un petit peu comme des jurys d'assises, mais appliqués à la politique, eh bien, il y a des gens qui doivent se mettre dans le costume. Ils ont été tirés au sort, ils doivent accepter, hein, on ne leur met pas une baïonnette dans le dos, mais quelque part, il y a une forme de hasard dans le fait qu'à un moment, j'exerce le pouvoir. Et ça, j'y crois beaucoup, beaucoup plus que de créer des politiciens de carrière. Qui, effectivement, alors, vont toujours avoir dans tous les actes qu'ils posent, et ça, c'est vraiment un truc, moi, qui je vois en ça en politique, et je trouve que c'est un travers de la, quelque part, du système électoral. On regarde ce qui est le mieux, mais on regarde aussi ce qui va rapporter le plus de voix aux prochaines élections, quoi. Mmh. Voilà. Et ça, c'est une perversion du système de la démocratie représentative. Mais moi, ça, quand tu dis j'exerce le pouvoir, on tire quelqu'un au sort et il exerce son pouvoir, moi je ne dirais pas ça comme ça, je dirais il exerce sa citoyenneté, il fait partie d'un collectif et à un moment donné il va participer, voir aussi comment ça se passe, plutôt que comme tu disais, c'est l'exercice du pouvoir. Pour moi c'est devenu, oui ça, un exercice du pouvoir, mais normalement c'est... prendre conscience du monde dans lequel on est, c'est participer avec les autres, c'est voir surtout comment est-ce qu'on fait, comment on s'organise les uns avec les autres, qui décide quoi, comment. Et je trouve que voilà, ça ne doit pas être relégué à un groupe de gens au pouvoir, justement, ou à un groupe, ou à des individus qui prennent le pouvoir, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plutôt une collaboration, quoi, un partenariat. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Oui. C'est pas du pouvoir pour moi. Après, c'est comment dans notre langage courant on parle, on dit oui, les politiques c'est du pouvoir, c'est exercer du pouvoir. Pour moi, ça devrait pas être ça. Alors, c'est pas une question très très facile. Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que la gestion de la chose publique, on va appeler ça comme ça, voilà, la res publica en latin, la gestion de la chose publique, ça nécessite de pouvoir prendre du recul par rapport à sa propre position. C'est-à-dire que moi, voilà, en tant que représentant, mandataire, je suis mandaté par tout le monde. Il y a des gens qui ont voté pour moi, des gens qui n'ont pas voté pour moi, mais je dois représenter tout le monde, je dois essayer de représenter l'intérêt général. Et comment tu fais ça, par exemple ? Rentrons dans le vif du sujet, parce que sinon on va rester en discussion sur le pouvoir, la représentation. Comment tu fais ça, donc, concrètement ? Donc on a voté pour toi, ça veut dire qu'il y a eu plein de voix pour dire Bernard Dubuisson, on le veut. Voilà. Mais pour moi, c'est le signe, voilà, c'est comment marchent les élections, c'est comme ça que ça marche. Après, Après oui, effectivement, ça je peux aussi en revenir, on a voté pour moi, il n'y a pas grand monde qui a voté pour moi, je dois bien le reconnaître, j'ai eu 198 voix sur 8000 électeurs. Hein. Et donc par comparaison, par exemple, le bourgmestre, je pense qu'il en a eu 1600. Donc moi, je suis vraiment un tout petit pousset ici même au niveau de ma commune. Par contre, il y a le jeu des coalitions qui a fait qu'effectivement, les petits écolos, on était deux sur 23 conseillers communaux, mais on a pu peser et faire l'appoint pour créer une majorité. Et donc là, effectivement, tu as un rapport de force déjà un petit peu différent qui se crée. Alors, on peut on peut le dénoncer parce que c'est vrai que ce n'est pas hyper représentatif. Hein, mais après, effectivement, le système, c'est il faut une majorité. Et puis voilà, on la constitue comme on peut. C'est la même chose au niveau régional. Mais voilà, il faut aussi une majorité. Et qu'on essaie de faire un gouvernement qui n'est pas majoritaire, il y a quand même un petit souci par rapport aux règles du jeu. Et donc, j'en viens à l'histoire de l'intérêt général. Je crois beaucoup au fait de mettre en place des grands principes. Et c'est un petit peu la même idée. C'est l'idée des règles du jeu, finalement. C'est de se dire, on va se donner... En gros, c'est quoi l'intérêt général? C'est d'avoir une vision. C'est-à-dire, il y a une certaine idée de la société, de ma commune, que je voudrais bien qu'elle se réalise. Voilà. Après, on peut en parler. Et puis, que j'ai remarqué, si je réagis pas au moment même, hop, on part par là, et du coup, on perd le... Parce que là, tu vois, tu rentres dans des choses très concrètes, j'ai vraiment envie... Donc, moi, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a clairement une vision politique que je représente, et qui est une vision écologiste. Hein, donc, c'est-à-dire faire en sorte que, à l'échelle de la commune, il y ait moins d'émissions de CO2 qui soient dégagées et qu'il y ait moins de pollution. Voilà, ça se résume grosso modo à ça. Pas moins de pauvreté, que les gens soient plus heureux. Alors, ça... non mais tu vois, j'adore. Évidemment. Parce que... Évidemment. Oui, mais c'est quand même de la base, parce que moins de CO2. J'entends ça aussi dans les... Oui, mais donc... Évidemment, on espère que le CO2 va bien. Elle va de pair avec la justice sociale, on est bien d'accord. Après, chacun a ses sensibilités. Moi, je suis clairement plus, j'ai clairement plus une sensibilité écologiste par rapport à l'environnement, une sensibilité sociale, même si c'est clair que c'est aussi quelque chose auquel on est vraiment hyper attentif quand il s'agit de faire des choix, parce que les choix, on les fait au quotidien. Les choix, on les fait sur où va le pognon. Donc, on a environ 13 millions ici de budget ordinaire, hein, chaque année, à dépenser. Voilà, ça, c'est les impôts, c'est ceci. On est dans le très concret. Et ces 13 millions, en quoi, quand on les dépense, ils vont contribuer à ces objectifs-là. C'est-à-dire à l'environnement pour toi. Ça, c'est un objectif. C'est ça que tu dis, oui. Toi. Donc c'est l'environnement et c'est aussi construire un modèle de société où on pollue moins et où on émet moins de CO2. Donc moi je suis par exemple échevin de l'urbanisme ou de l'aménagement du territoire, hein, c'est deux notions qui sont assez proches. Je suis super attentif à des trucs qui vont dans le bon sens. Par exemple, si on me demande de construire un immeuble à appartement de 4 ou 6 appartements le long d'une grande route, sur une chaussée, où tout autour, il faut faire 1 km pour trouver une boulangerie, où il y a 3 bus par jour, et les gens vont être complètement dépendants de leur bagnole, parce que c'est même impossible, il n'y a pas de trottoir, ils sont impossible de prendre, d'aller à pied jusqu'à la boulangerie ou jusqu'à la supérette, on a un problème parce qu'on crée là, pour 50 ans ou plus même, des logements avec des gens qui vont vivre là et ils auront besoin d'une, deux voitures pour vivre, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, au quotidien, je fais ce genre de micro-décision dans mon échevinat en disant « mais non, vous ne pouvez pas construire ça à cet endroit-là ». Si vous voulez construire un petit immeuble à appartement, c'est absolument pas interdit, mais alors vous le faites à proximité de la place du village. Il y a des terrains, et à côté, il y a une école, à côté, il y a une boulangerie, à côté, il y a une épicerie. Et là, vous pourrez, dans 10, dans 15 ans, quand vous vous rendrez compte que c'est plus possible de vivre avec une bagnole, vous pourrez vivre là. Mais il faut préciser qu'on est à profonde ville, hein, que c'est pas la ville, pas du tout. Non. Ce serait bien de faire un petit tableau, parce que quand tu parles de boulangerie, de bus... C'est un peu partout la même chose, c'est-à-dire que les villes, les petits villages comme ça, c'est désert. Il n'y a même plus de café, il n'y a plus de boulangerie. Les gens sont obligés de prendre leur bagnole. Il y a un bus, allez, deux bus par jour. C'est une réalité, quoi. Et toi, tu parles... j'essaye de voir un peu... Parce que l'échevin de l'urbanisme, oui, c'est donné aussi des permis... pour construire là ou là, et en même temps, il y a des constructions immondes qui se font à étage de plus en plus aussi, parce que c'est la nouvelle norme. J'ai entendu ça, de dire que c'était plus intéressant de construire plusieurs maisons les unes sur les autres, ça s'appelle des appartements, plutôt que de faire des maisons l'une à côté des autres. Il paraît que c'est plus écologique, ça. Oui, c'est plus écologique à bien des égards. Je vais revenir un instant sur Profondeville. Hein. Donc, c'est une bourgade de 12 000 habitants qui se situe sur la vallée de la Meuse, entre Namur et Dinan. Donc, c'est une région magnifique. On est à la campagne. En même temps, on est à un quart d'heure de voiture ou de bus de la ville de Namur. Donc, on est à la fois à la campagne et en même temps, on est aussi un petit peu en banlieue. Mais une banlieue, il faut le dire, une banlieue relativement aisée, parce qu'il fait bon vivre. Voilà, c'est des chouettes villages, et c'est un petit peu voilà, le rêve de la maison à la campagne, pas loin de la ville. Ben, on le trouve ici, effectivement. Après, effectivement, moi, à l'urbanisme, j'instruis, en tout cas, enfin, je pilote le service qui instruit les permis de bâtir, les permis d'urbanisme. Et c'est vrai que l'archétype de la villa quatre façades sur un beau terrain avec un grand jardin, aujourd'hui, il est de plus en plus rare. Sauf si tu as plein d'argent et que tu peux mettre l'argent sous la table. Je m'imagine ça, moi. Mais... que quand tu as plein d'argent, tout est possible pour toi. Oui, il y a des situations comme ça. Avec des gens qui se disent oh, j'ai plein de thunes et je veux construire un château quoi. Malheureusement c'est pas toujours possible non plus de construire un château. Par contre effectivement ce qui se passe ici c'est que comme y a beaucoup de gens qui veulent venir habiter ici parce qu'il fait bon vivre, le prix des terrains, le prix des maisons il augmente. Donc la valeur des terrains, la valeur des maisons augmente aussi. Et on a donc cet effet de se dire je veux tirer le plus d'argent possible, le plus de valeur d'un terrain donné. Et donc, évidemment, dans ce cas-là, on ne construit pas un logement, on construit plusieurs logements. Donc, ce sera toujours plus rentable de construire deux maisons jumelles, par exemple, sur un terrain de taille moyenne, qu'une grosse maison. On saura la vendre plus cher, on saura vendre deux petites maisons plus chères qu'une grosse, ou bien on saura louer aussi, ou alors je vais en construire une pour moi et puis une à côté que je vais vendre ou que je vais louer, et donc ça va me payer en fait mon propre terrain quoi. Donc il y a beaucoup de ces phénomènes là, ou alors j'ai hérité du terrain ou j'ai hérité de la maison de mes parents. Moi je suis pas d'ici. Mais après, voilà, c'est un bien immobilier et je vais essayer de le rentabiliser en divisant la maison, par exemple, en plusieurs appartements. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce genre de projet maintenant. Et je dirais que sur un beau terrain, maintenant, on a beaucoup plus rapidement un petit immeuble à appartement avec quatre logements plutôt qu'une grosse villa, quoi. Ça, c'est sûr. Je m'y perds un peu pourquoi on aborde ce sujet-là. Oui, on parlait de ce qui était échevin de l'urbanisme. Je t'ai posé des questions par rapport à ça. Mais l'environnement, parce que... C'est ça qui se passe aussi, l'environnement, c'est aussi les arbres, c'est aussi le ciel, c'est aussi la nature, enfin, les oiseaux, les insectes. Et on aurait l'impression que l'environnement aujourd'hui, c'est justement des projets immobiliers quoi, qui viennent un peu tout casser comme ça et viennent mettre leur construction dans des endroits comme ça. Parce que tu disais que toi, tu avais la fibre environnementale, c'est ça ? Est-ce que tu peux un peu ? Oui. Et en plus, maintenant, tu es échevin de l'urbanisme, quoi. Donc ça veut dire que tu donnes ton feu vert pour des constructions. Ouais. Et parfois les trucs immondes. Mais donc, il y a... Parfois des trucs immondes. Parce que, on l'a dit au début, j'ai travaillé au CSA dans la régulation audiovisuelle. Et en régulation audiovisuelle, il y a un grand principe qui est la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il y a parfois des gens qui disent des trucs vraiment un peu nuls, un peu cons, mais en même temps... À la télévision, tu parles. Oui, mais partout. Et en même temps, qui sommes-nous pour leur dire non, quoi ? Et en fait, en urbanisme, je fais un grand parallèle parce qu'il y a un principe, c'est quand même le fait que ce n'est pas l'État qui a le monopole du bon goût, quelque part. Donc moi, je ne suis pas là pour dire aux gens, c'est moche, c'est beau, vous pouvez le faire, c'est moche, vous ne pouvez pas le faire. Quelque part, les gens, ils sont responsables de leur goût. Après, il y a des limites à ne pas dépasser, oui. Sans doute. Mais après, ces limites, on peut les objectiver. On peut dire, par exemple, vous regardez la maison d'à côté, vous regardez la maison à gauche et la maison à droite. Est-ce que vous allez faire là ? Ça doit être cohérent par rapport à ce qui se fait à gauche et à droite et en face de chez vous. Et alors si à gauche, à droite, en face, c'est hyper moche... qui serions-nous pour vous dire de faire quelque chose de beau, quoi ? Enfin, allez, je caricature un petit peu, mais il y a un petit peu de ça. L'État, de toute façon, il régule, de toute façon, il a toujours son mot. Enfin, faisons pas comme si la liberté... Enfin, moi, j'y crois pas du tout, Bernard, quoi. Il y a quand même, quand on regarde dehors, les maisons se ressemblent plus ou moins. Enfin, il y a pas du tout d'originalité. Hein. Je pense à simplement, allez, à Louvain-la-Neuve. Comment ça s'appelle cet endroit où il y a vraiment des constructions ? Ben, le quartier de la baraque. Tu vois, là, tu vois une vraie liberté de construction. On voit bien que, en règle générale, l'État quand même donne. Oui. Alors ça, c'est bon côté parce que quelque part, ça permet une certaine cohérence dans la manière dont l'espace est utilisé. Mais ça aussi, c'est travers. Et moi, je les vis aussi. Par exemple, on voit de plus en plus arriver des demandes pour de l'habitat léger, de l'habitat un peu participatif ou intégré, des nouvelles manières d'habiter. Et je sens tout le monde, mais hyper frileux par rapport à ce genre de projet. C'est qui tout le monde ? Alors, ça peut être les autorités régionales, par exemple, ou les fonctionnaires régionaux. Ça peut aussi être les différentes parties prenantes, en fait, hein, dans le monde administratif, on va dire. Parce que c'est clair que ça sort des concepts traditionnels, mais ça, je ne pense pas que c'est rédhibitoire pour eux. Mais par contre, il y a un vrai questionnement sur comment on va gérer ce genre de choses. Donc très clairement, aujourd'hui, on est dans une logique, on revient sur les questions environnementales, où il faut essayer d'éviter au maximum d'occuper des nouveaux espaces qui ne sont pas encore bâtis. Hein, donc il faut essayer de recycler des espaces déjà bâtis, par exemple démolir une vieille maison et reconstruire plutôt que de la laisser là et de construire sur le terrain d'à côté ou dans le fond de son jardin. Mais les cabanes, allez, si je schématise un petit peu, les cabanes, ça fait peur parce que c'est un petit peu comme si les gens qui ont déjà bétonné une maison ou deux maisons, ils vont encore aller pouvoir mettre une cabane dans le fond de leur jardin. Et ça fait un petit peu peur à pas mal de monde, à la fois, y compris dans les gens qui sont des champions de l'environnement, parce qu'ils se disent, mais alors, où est-ce qu'on va ? On va aller vraiment disperser l'habitat encore plus loin. Alors après, je pense qu'il y a c'est absolument pertinent comme réflexion. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, si je veux vivre avec un habitat léger, super facile à construire, que je vais peut-être construire moi-même, mais je ne vais pas aller le mettre en bord de route. Je vais le mettre un peu plus loin, je vais le mettre à l'orée du bois, quoi. Mais effectivement, c'est clair que si tout le monde fait ça, on ne s'en sort plus. Hein. Mais en même temps, il y a des vrais projets de vie derrière. Il y a des vrais projets de vie derrière et il y a aussi des nouvelles manières de vivre. Et ça, elles ne sont pas du tout encore prises en compte par les experts en urbanisme, etc. Ils se rendent bien compte que c'est un modèle qu'on va devoir lui faire de la place. Mais en fait, ils ne savent pas encore du tout comment. C'est-à-dire qu'ils ont peur qu'à la première cabane pour laquelle qu'ils vont autoriser, ben, il y en a 100, 150 autres derrière qui vont arriver avec éventuellement des promoteurs, etc., et qui vont aller tout coloniser, tous les espaces non encore, enfin, encore vierges d'habitat, ils vont se faire coloniser comme ça, dire, au prétexte de développer l'habitat léger. Donc il y a un vrai questionnement que moi aujourd'hui, je n'ai pas encore vraiment pu... résoudre, hein. Je suis vraiment aussi moi en questionnement par rapport à ça. C'est clair que moi j'ai de la famille, j'ai ma maman, j'ai mon frère, ils sont tous les deux dans des habitats groupés en ville, à Bruxelles, hein. Je comprends tout à fait ce concept et je trouve très sympa, vraiment, et plus que sympa, je trouve que c'est vraiment un modèle d'habitat qui doit se développer. Et en même temps, est-ce que tout le monde va bien le comprendre? Est-ce que tout le monde va bien l'appliquer? Et est-ce qu'on ne va pas exagérer? C'est une vraie question de régulation. De nouveau, on y revient, qu'on n'a pas encore tranché. Donc là, voilà, on se donne un petit peu le temps. On essaie de trouver aussi des mécanismes qui vont nous permettre, quelque part, de trancher ou d'aborder ces questions-là de manière sereine. Mais je dois dire qu'on est vraiment au début du processus. Reprenons aussi l'idée de toi, Ichevin. Toi qui fais de la politique, du coup, c'est ça, faire de la politique C'est quoi faire de la politique, Bernard? Donc tu dis, hein, au début, on reprend la direction, parce que sinon on part dans tout le... Hein, tu disais, bon, voilà, moi j'étais beaucoup dans l'associatif, tout ça, c'est très bien. Moi, à un moment donné, j'ai l'impression, c'est ce que tu dis, qu'en allant vraiment m'intégrer dans le groupe écolo et très chevin, ben là, je vais vraiment pouvoir changer les choses. Oui, il y a certainement ça. Et alors, il y a aussi, je pense, qu'est-ce qui distingue le fait d'être quelque part activiste par choix et puis à un moment devenir mandataire, hein. Donc mandataire, c'est j'ai un mandat public et je l'exerce, c'est qu'on va être confronté à des questions qu'on n'a pas forcément choisies. Donc c'est-à-dire que comme échevin, mais voilà, j'ai du taf, j'ai des gens qui me contactent, il y a des problèmes à régler, donc je peux pas, voilà. Quand je suis dans l'associatif, je peux encore dire oui, c'est mon choix, je m'engage, voilà. Mais si à un moment ça prend une voie que j'ai pas du tout envie de suivre, je peux tout à fait me dire mais je me désengage. Ici, ben non, moi je suis parti pour 6 ans pour un mandat, 6 ans, c'est énorme. Ça donne parfois un petit peu le vertige en disant mais où je serai dans 5 ans, parce qu'on est à 1 an ici de mandat. Mais c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est de se dire on est tous les jours confrontés à des choses qui nous tombent dessus et on est le dernier filet de sécurité du groupe, de l'ensemble. C'est-à-dire que c'est à nous de gérer le truc, quoi. Et quand tu dis nous, c'est qui nous, c'est, moi c'est le collège, donc c'est le bourgmestre et c'est ses échevins. Et encore plus le bourgmestre, pour lequel j'ai pas mal d'admiration, parce qu'il fait... lui, il est bourgmestre à 24 heures sur 24, quoi. Hein. Bon, en même temps, moi, j'ai beaucoup d'admiration. Il a pas de famille... Il a pas de boulot à côté, et donc voilà, toute sa vie c'est son travail à la commune. Mais c'est clair que il y a un accident un peu grave à 4h du matin, parce que voilà, c'est lui qui descend sur place avec la police, quoi. Il y a un logement insalubre voilà, avec des problèmes de salubrité, de bien-être animal, avec des animaux qui sont mal en point, etc. Mais c'est lui qui est là en première ligne, qui a rien demandé, qui est là à devoir gérer, je vais dire, entre guillemets, les merdes de la société, quoi. Sûr, mais il n'est pas obligé, ça veut dire qu'il est peut-être habité par quelque chose, enfin voilà, tu vois. Après, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais c'est clair que ce genre de fonction, on en a besoin, hein. La société en a besoin, hein. Sinon, enfin voilà. Donc... Ce genre de fonction, c'est-à-dire quoi, d'avoir un chef, un bourgmestre Je parle pas vraiment du chef, je parle du gars qui, en dernier ressort, s'il n'y a personne qui s'en charge, c'est à lui de le faire, quoi. Ça donne parfois un petit peu le vertige, quoi. Bah moi, je pense aux gens, aux éboueurs. Tu vois, tu as le bourgmestre, et puis tu as les éboueurs, et eux, hein, ils font le boulot qui est indispensable. Ils ont un salaire bien bas aussi. Enfin, oui. Non, peut-être pas bien bas, mais... Je veux dire, c'est pas du tout un boulot qui est reconnu, c'est pas valeureux, mais pourtant, ils sont indispensables. Tu vois, il y a le bourgmestre et puis il y a les éboueurs, pour moi. Ouais, aussi. Tu vois, moi, pour une petite commune de 12 000 habitants, le bourgmestre, vraiment pas, il se la pète vraiment pas, quoi. Et les échevins non plus, je veux dire. On est là d'abord au service des gens, on est sur le terrain tous les jours, et on est vraiment pas dans notre bureau. D'ailleurs, enfin, tu vois ici, on est dans le bureau du bourgmestre qui nous a gentiment prêté. Tu vois, c'est vraiment pas bling bling, quoi. Hein. Oui, mais ça, c'est une apparence. Moi, je me suis pas intéressée vraiment à la politique de Profondeville. Mais quand on dit politique de Profondeville, c'est-à-dire que le bourgmestre de Profondeville, il gère Profondeville. Et tu peux donner aussi tous les autres villages. Oui, il y a Lustin, il y a Lève, il y a Rivière, il y a Arbre, il y a Bois-de-Villers. Et il y a Profondeville qui est aussi un des villages de l'entité. Donc c'est énorme, quoi. Donc la politique de Profondeville gère ces différents villages. C'est quand même énorme, ça aussi. Oui. Il y a 160 km de route à entretenir. Il y a 5000 logements. Voilà, il y a 12 000 habitants. Voilà, c'est... Oui, mais tu vois, c'est... Voilà, c'est, de toute façon, on parle de politique. Et moi, j'ai vraiment pas... Je trouverais ça tellement intéressant que les gens se gèrent eux-mêmes, quoi. Tu vois, de l'autogestion. Je suis pas du tout pour mettre en valeur une personne, que ce soit le bourgmestre, ou que ce soit toi, ou que j'aime cette idée, tu vois, qu'on réapprenne aux gens à se reprendre en main, en fait, voilà. Mais je pense qu'ils le font pour une partie de leur vie. On a des villages ici qui sont en fait pleins de vie, ils sont très vivants. Moi, en particulier, je viens de Lustin. Lustin, c'est un village qui dort jamais, quoi. Il y a toujours des fêtes, des trucs des comités, quelque part, d'habitants qui se réunissent et qui se disent on va passer notre samedi après-midi à préparer une fête. Mais voilà, ça se fait. Et ça se fait dans tous les villages de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui se connaissent, qui s'apprécient, qui aiment vivre ensemble et qui aiment aussi... Voilà, développer plein de choses ensemble. Donc ça, c'est vraiment bien. Maintenant, il y a des fonctions qu'il est difficile de se dire, on va le faire nous-mêmes, quoi. Et ça, c'est, je dirais, un petit peu... L'exemple. Les routes, quoi, les égouts. Non, mais par exemple... Les écoles. Je veux dire, tu me parles de fêtes, je veux dire, oui, depuis la nuit des temps, on a laissé les gens faire leurs fêtes du moment qu'ils n'étaient pas trop ennuyants pour revendiquer des choses. Tu sais, par exemple, moi, je ne sais pas si je vais arriver à bien me faire comprendre, mais par exemple, tout le territoire, vraiment, il y a un gros souci aujourd'hui avec les terres qui sont cultivables. Je sais qu'en France, j'avais vu tout un... Mais bon, c'est pareil ici en Belgique. Hein. C'est parce qu'en France, le territoire est quand même énorme. La Belgique est beaucoup plus petite. Et que, je veux dire, les gens dans les... Ben, on parle des villages, hein, on parle des gens dans les villages. Et par exemple, aussi des agriculteurs, les gens qui travaillent la terre. Il y a vraiment un gros problème aujourd'hui avec ces communes qui gèrent ces territoires et qui ont la main mise sur les terres, en fait, tu vois, pour justement en faire de l'immobilier, alors que ces terres sont encore cultivables. Il y a ça aussi, je suppose, dans tes attributions. Tu vois, et c'est ça que je veux dire, c'est qu'on... Tant que les gens font la fête et s'organisent entre eux et que ça bouge bien, voilà. Mais moi, j'avais vraiment un souci de me dire, bah, tiens, les gens... Quand même, c'est la cata quand même, quoi. Enfin, je suis pas catastrophique. J'ai pas envie, tu vois. Mais je trouve que les gens, dans leur manière d'être autonome, on les a bien sapés aussi, quoi. Et comment le monde global les sape aussi, mais à petite échelle, les communes, voilà. Oui, mais c'est clair qu'on a un petit peu atomisé les gens, hein. Mais ça, c'est le modèle de société de l'après-guerre, hein. Quelque part, il y a une espèce de grosse machine qui a construit ça. Après, j'invente rien quand je dis ça, hein, mais c'est clair que les gens, la société de consommation a aussi déteint sur la politique au sens gestion de la chose publique, où les gens sont devenus quelque part des consommateurs aussi. Mais on peut changer ça justement grâce à une politique de communale, par exemple, tu vois, on peut réveiller les consciences, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais... C'est sûr, et ça, ça on le fait aussi. Donc moi, par exemple, je suis échevin de la mobilité. Ben, la mobilité, c'est quoi? Beaucoup, c'est régler des problèmes de vitesse des voitures et régler des problèmes de nombre de voitures. Donc, c'est... après, voilà, on essaie de... d'avoir... Enfin, ça, c'est les questions qu'on nous pose. Les voitures roulent trop vite et il y a trop de voitures dans ma rue. Et quand on est confronté à des problèmes comme ça, la première chose qu'on fait, c'est réunir les gens. Voilà, on invite les gens à une réunion. On leur dit, OK, voilà, on a ce problème-là. Enfin, vous nous avez donné ce problème-là. Ben voilà, on va un petit peu... On va travailler ce problème-là ensemble. Et donc, moi, j'ai... Enfin, voilà, avec les services communaux, on a mis en place une méthodologie participative pour répondre à ce genre de questions de mobilité. Et pourquoi la mobilité ? Parce que, en fait, c'est hyper difficile pour un mandataire, voilà, ou même quelqu'un qui travaille dans les services communaux, d'identifier tous les éléments à prendre en compte pour résoudre un problème donné. C'est un petit peu comme l'eau qui coule, hein. Les voitures, elles trouvent toujours leur chemin, et donc si on leur met des entraves, il va y avoir des effets induits à d'autres endroits, et c'est très difficile d'imaginer tout. Et donc on a mis en place comme cette méthodologie où on réunit les gens, on fait des réunions, tout le monde donne son avis, il y a plein d'informations super intéressantes qui ressortent en disant « mais oui, vous savez, nous, on passe par là pour aller à tel endroit, et donc si vous fermez à cet endroit-là, ça ne va pas aller parce qu'on aurait fait un gros détour. » Ah oui, c'est vrai, on n'avait pas pensé à ça. Et alors, deuxième chose, c'est que, alors à ce moment-là, on fait des aménagements, hein, par exemple, on met des chicanes pour réduire la vitesse, mais on le fait de manière provisoire. On ne met pas encore du béton ou du bitume. On met des éléments en plastique, etc. Et puis on fait tourner pendant 2-3 mois. Puis on refait une réunion. Et puis on revient avec les gens. Bon, alors ça, vous êtes contents? Ah non, c'est la cata. Voilà. Ou ah non, c'est très bien. Parfois, on a les deux aussi. Hein, les gens qui sont super contents et les gens qui sont super mécontents. Et puis on avance comme ça, quoi, de manière itérative, mais en incluant les gens aussi. Alors, ce n'est pas toujours possible de le faire pour tout, parce qu'il y a des choses qui vont devoir être faites parfois qui ne plaisent pas aux gens. Et donc, si on leur demande leur avis, ben, clairement, ils vont dire non. Et puis après, si on le fait quand même, ils vont dire « oui, vous nous avez consulté, c'était n'importe quoi, vous l'avez fait quand même ». Donc il y a aussi des limites à la consultation. Il y a aussi, par exemple, des cas où tu as une majorité des gens qui sont consultés qui vont dire « ah oui, non, on veut la solution A ». Et puis, il y a une petite minorité qui va dire « non, on veut la solution B ». Et en fait, tu te rends compte que c'est juste parce qu'il y a beaucoup, enfin, il y a plus d'habitants qui seront impactés par une solution que par l'autre. Et en fait, tu ne peux pas jouer la loi du nombre, parce que le petit groupe qui a dit « ah non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire », en fait, c'est celui qui seront vraiment très très fort impactés si on le fait. Et donc, il y a aussi, tu vois, il faut raccrocher l'intérêt général, et c'est pas forcément toujours la voix du plus grand nombre qui va matérialiser l'intérêt général. Donc. Bah oui, c'est vieux comme le monde, ce que tu dis, hein, c'est basique. Ah, oui, mais j'expérimente et je le vis, donc. Et pour revenir alors avec ce marché public et ce marché privé, tu vois, les terres publiques qu'on vend au privé, ça aussi, tu peux raconter des choses par rapport à ça, ou bien non, je n'ai rien à dire. Ouais, ici, on ne le vit pas vraiment. Ouais, il y a un petit peu de patrimoine communal, mais on n'a pas tendance, pas trop tendance à le vendre pour de l'immobilier. Il y a une pression immobilière et la tendance générale est plutôt à se dire, ben, on temporise, donc les terres que la commune a, ben, on les garde en fait, on les vend pas. On essaye plutôt de les utiliser. Après, il y a des endroits. Donc, on a aussi un grand schéma directeur qui est notre, on appelle un schéma de structure, maintenant on appelle ça un schéma de développement local, qui en fait démocratiquement a été adopté pour identifier là où on pourrait construire de manière prioritaire et là où on décourage de construire. On a aussi un autre outil qui est le plan de secteur. Le plan de secteur, c'est vraiment une loi en fait qui dit bah, tu peux construire à tel endroit. Et la parcelle d'à côté, ben, c'est une zone forestière, donc tu ne peux pas construire. Et puis la zone encore à côté, c'est une zone agricole, donc ça, tu ne peux pas construire non plus, sauf dans certains cas très, très, très particuliers, si tu es agriculteur, si c'est... Voilà. Donc, il y a quand même des règles super contraignantes et on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut certainement pas faire ce qu'on veut, quand surtout dis, à la campagne. Quand tu dis « on ne peut pas faire ce qu'on veut », tu parles aux gens ou tu parles du rapport ici communal ? Tout le monde, parce que c'est des règles qui s'imposent aussi à l'autorité communale. C'est pas forcément... Il y a certaines règles que l'autorité communale a édictées elle-même et qu'elle se donne à elle-même. Et puis d'autres qui viennent du régional. Le plan de secteur, ben, c'est un plan régional. Et la commune, voilà, si on veut le changer une parcelle au plan de secteur, ben, ça prend 5 ans, quoi. Donc c'est un processus hyper lourd que très peu de monde font. Après, parfois, c'est une contrainte parce qu'il peut y avoir des parcelles qui ne sont pas encore construites, mais qui sont super bien situées au regard des objectifs d'aujourd'hui. Hein. Par exemple, c'est une zone qui est super bien située par rapport aux bus, par rapport aux voies cyclables, par rapport aux commerces de proximité. Et donc, on pourrait dire, cette zone-là... OK, aujourd'hui, c'est agricole, mais ça n'a peut-être pas vocation à rester agricole parce qu'il vaut peut-être mieux sacrifier cette terre-là que d'autres terres agricoles plus loin. Parce qu'il y a aussi une réalité, c'est qu'on a besoin de plus de logements. Je pense que c'est 350 000 logements à l'horizon 2050 pour toute la Wallonie. Je n'ai plus le chiffre exact au niveau wallon, mais je sais que pour Profondeville, ça veut dire 50 nouveaux logements, donc en plus. Plus 50 logements par an. Voilà. On y est plus ou moins. C'est une... donc pour résoudre ça, il faut savoir où on les met, ces logements. Évidemment, il y a des endroits où il vaut mieux les mettre et des endroits où il vaut mieux pas les mettre. Ok. Moi, je suis un petit peu... J'arrive à la fin déjà. Ouais. Je vois plus trop... Est-ce qu'on part sur des... Toi, tu verrais quelque chose à dire sur tout ça, sur ton job depuis un an. Tu te sens utile? Tu te sens intégré au monde? Ouais, je me sens quand même vachement utile. J'aime beaucoup les compétences que j'ai. Et donc, j'aimais déjà bien les questions d'urbanisme. Les questions de mobilité, je les ai découvertes, mais je trouve que je me sens bien dans ces questions-là. Je suis quand même. Après un an, je me sens vraiment bien dans ma fonction. C'est pas tous les jours facile parce qu'il y a aussi. C'est un travail aussi politique dans le sens où il faut partager le pouvoir avec d'autres et donc il faut faire des compromis. Il faut quelque part, au final, que tout le monde se retrouve dans des décisions. Donc, ça, c'est peut-être un aspect du travail qui. On aimerait bien avoir les coups des franges, on aimerait bien pouvoir décider tout seul parce que c'est plus confortable et parce que c'est plus gratifiant aussi de se dire que c'est ma vision, c'est ce que j'ai envie qui va se réaliser, quoi. Hein. C'est une dictature, ça, que tu parles. Oui, mais ça, je suis un démocrate, donc je comprends qu'il faut faire des compromis et je comprends qu'il y a un moment où, si la population n'est pas pour un truc, il ne faut pas le faire. Oui, la population ou bien à l'intérieur du pouvoir en lui-même, Le pouvoir en lui-même, il émane de la population. Donc les gens, ils ont voté pour, il y a autant de voix pour un tel, autant de voix pour un tel. Mais après, les gens, ils votent pour des bonnes ou des mauvaises raisons pour un tel ou pour une telle. Je ne prononce pas là-dessus, pas toujours pour des bonnes raisons, parce que. Il y a tous ceux qui votent plus, t'as ceux qui votent pas. Ouais. Et tiens, les gilets jaunes, t'en as pensé quoi l'année dernière quand ils ont débarqué au mois de novembre? Les gilets jaunes, je trouve que c'est un vrai. Ils posaient des vraies questions qui ne vont faire que se renforcer, dans le sens où t'as une tension en fait, entre les objectifs liés au climat et puis les objectifs liés au pouvoir d'achat. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a résolu les questions plutôt climatiques par. Si on veut décourager certains comportements, en gros, on les rend plus chers. Voilà, on les rend moins abordables. Or, il y a des gens dans cette logique-là, par exemple la voiture. Quoi. Dans cette logique-là, il y a des gens. L'avion. Il y a des gens, ils sont coincés, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de prendre la voiture et parfois, ils n'ont même pas le choix de prendre l'avion. Et donc, forcément, ça se manifeste encore plus avec la voiture parce qu'on touche là avec des gens qui ont une vie très modeste, ils savent pas prendre le bus, ils savent pas prendre le train, c'est pas possible. Oui, mais ça on le sait, hein, on a découvert ça, on a analysé ça, mais je veux dire, tu penses quoi des gilets jaunes, ce que tu dis, Quand je te dis, tu penses quoi des gilets jaunes? Tu me dis plein de choses qu'on, bah, on le sait aujourd'hui, ça, avec les gilets jaunes. Au début, les écolos, ou en tout cas tout le mouvement, entre guillemets, vert, a vu, c'était des personnes qui polluent, qui ne sont pas prêts à payer des taxes. On a dit que c'était des racistes. On a dit, enfin, tu vois, ils sont passés par toutes les couleurs, les gilets jaunes, pour finir comprendre que c'était quand même la première couche de la population qui est complètement touchée et qui est en bas du bas, et que le politique s'en fout, en fait. Ils ne sont pas du tout représentés. D'ailleurs, c'est ce qu'ils revendiquaient, eux, c'est d'être, de pouvoir se représenter eux-mêmes, quoi. Tu vois, le revenu... non, la représentation, je ne sais plus comment on dit. Tu vois de quoi? Oui. Voilà, je... Quand tu dis... Enfin, ça a l'air d'être de la mathématique pure pour toi, de dire, ben voilà, on est représentants ici à la commune. Du coup, quand même, on représente les gens. Mais moi, je ne suis pas si sûre que ça, tu vois, aujourd'hui, d'autant plus fort aujourd'hui, quoi. Hein, et les Gilets jaunes nous l'ont rappelé au mois de novembre l'année dernière, quoi. Ouais, sans doute qu'effectivement, dans les décisions politiques, il y a... Quand on se projette dans une décision, ben on a parfois un peu l'idéal d'une personne qui va être impactée. Ce n'est pas forcément des gens modestes, etc. Donc ça, il faut faire attention à ça. Il faut être attentif à ne pas compromettre la vie des gens, et quel qu'ils soient, et quelle que soit leur, quelque part leur situation de vie. Après, moi, je pense qu'il doit y avoir moyen, à un moment, de réconcilier... quelque part les questions de fin du mois et les questions de fin du monde, mais ça va nécessiter beaucoup plus. Enfin, cette tension-là, en fait, c'est la tension d'un modèle. Le modèle, il n'est pas prévu pour réduire drastiquement nos émissions de CO2 facilement, du jour au lendemain, dans le mode de fonctionnement de l'ensemble de la société. Donc il y a des choses beaucoup plus radicales qu'on va devoir faire pour pouvoir réconcilier, en fait, les moyens que les gens ont pour vivre et, quelque part, leur impact sur le climat. Et ça, c'est une question de changement de modèle de société. Donc, c'est-à-dire que les personnes précarisées, etc., ben, c'est des produits de la société de consommation aussi. Hein. Donc, quelque part, la personne qui a plein de thunes, qui va dépenser beaucoup d'argent dans des choses qui émettent beaucoup de CO2, ben, quelque part, c'est le même genre de mécanisme qui la produit que la personne qui est précaire, qui n'a pas beaucoup d'argent pour vivre et qui est obligée d'avoir une voiture, mais que c'est une voiture qui pollue aussi, etc. En fait, ce sont les deux faces d'une même logique, qui est un peu la logique productiviste d'après-guerre, dans laquelle on doit absolument sortir et on doit réinventer quelque chose. Après, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va réinventer? C'est quoi? Il faut qu'on se projette dans un avenir désirable, parce que c'est pas avec des... Enfin, ça, c'est Rob Hopkins, hein, qui disait ça. Je suis allé à une conférence de lui il y a 15 jours. C'est pas avec les rapports du GIEC qu'on va mobiliser les gens, parce que ça va juste les faire flipper, quoi. Donc, il faut les reprojeter dans un avenir désirable, dans quelque chose auquel les gens veulent aspirer et qui, dans lequel ils se sentiront bien. Et je pense qu'il doit y avoir moyen. Il doit y avoir moyen de vivre sobrement, dans le bonheur, avec une super chouette qualité de vie, avec des relations qui apportent du bonheur, avec qui apportent de la gratification, et qui ne vont pas forcément être basées sur la consommation de biens de plus en plus, etc. Quoi. Il ne reste plus beaucoup de temps, hein. Ouais. Bah, du coup, ça veut dire que le capital, parce qu'on n'en a pas encore une fois cité, tu vois, le capitalisme, alors ça veut dire que c'est la fin, ou que c'est la guerre, c'est des tensions. Enfin, tu vois, c'est pas simplement qu'on peut s'aimer les uns les autres, ça, à mon avis, il n'y a pas de problème. Qu'un autre monde est possible, ça, il n'y a pas de problème. C'est que, clairement, le capital, avec ses actionnaires, avec toute cette stratégie qui est mise en place, il y a du conflit, et même ça peut être de la bagarre, quoi. Et c'est ça qui pourrait se passer, parce qu'on n'en parle pas, tu vois, on dit toujours « oui, un autre monde est possible, et oui, un jardin, on peut jardiner, on peut faire sa nourriture ». Donc, très concrètement, par exemple, ici, la semaine passée, au Conseil communal, sur ma proposition, ben, on a augmenté de 50 000 euros la taxe sur les carrières. Le principal contributeur de cette taxe de 50 000 euros, c'est Monsieur Ludwig Merkel, 54 ans, de Ulm, en Allemagne, qui a une fortune estimée à 6,42 milliards d'euros. Voilà, donc ça, tu parlais du capital, mais on en est aussi ici à se poser ces questions-là. Après, voilà, c'est pas à travers une simple taxe que ça peut se résoudre, mais c'est un début. Et c'est clair qu'aujourd'hui, les inégalités sociales, c'est un truc... Tu disais, les gilets jaunes, c'est pas notre ennemi. Le capital, effectivement, c'est peut-être notre ennemi. Je dis c'est peut-être parce qu'on a besoin de moyens aussi pour pouvoir investir et financer la transition. Mais je suis persuadé qu'il y a un modèle à changer, ça c'est sûr. Bernard, merci. Graziella, merci à toi. T'as envie de rajouter un dernier mot peut-être sur tout ça Non, mais je trouvais que Monsieur Merkel, je trouve que c'est un beau, une belle conclusion finalement, de boucler la boucle, puisque effectivement on arrive à raccrocher à des micro-décisions sur une petite commune de 12 000 habitants à des enjeux presque planétaires et sociétaux. Merci à toi. Merci encore.